L'André fit fâcher d'abord, d'être obligé de trouver toujours la petite fadette sur son chemin. Mais, comme elle paraissait avoir une peine, il en eut compassion. Et voilà l'entretien qu'ils eurent ensemble. Comment, Grelet, c'est toi qui pleurais comme ça? Quelqu'un t'a-t-il frappé ou pourchassé encore? Que tu te plains, que tu te caches? Non, Landry, personne ne m'a molesté depuis que tu m'as si bravement défendu. Et d'ailleurs, je ne crains personne. Je me cachais pour pleurer, et c'est tout. Car il n'y a rien de si sot que de montrer sa peine aux autres. Mais pourquoi as-tu une si grosse peine? Est-ce à cause des méchancetés qu'on t'a faites aujourd'hui? Il n'y a pas un peu de ta faute, mais il faut t'en consoler et ne plus t'y exposer. Pourquoi dites-vous, Landry, qu'il y a eu de ma faute? C'est donc un outrage que je vous ai fait de souhaiter danser avec vous, et je suis donc la seule fille qui n'ait pas le droit de s'amuser comme les autres. Ce n'est point cela, Fadette. Je ne vous fais point de reproche d'avoir voulu danser avec moi. J'ai fait ce que vous souhaitiez, et je me suis conduit avec vous comme je devais. Votre tort est plus ancien que la journée d'aujourd'hui, et, si vous l'avez eu, ce n'est point envers moi, mais envers vous-même, vous le savez bien. Non, Landry, aussi vrai que j'aime Dieu, je ne connais pas ce tort-là. Je n'ai jamais songé à moi-même, et si je me reproche quelque chose, c'est de vous avoir causé du désagrément contre mon gré. Ne parle pas de moi, Fadette, je ne vous fais aucune plainte. Parlons de vous. Et puisque vous ne vous connaissez point de défauts, voulez-vous que de bonne foi et de bonne amitié, je vous dise ce que vous avez? Oui, Landry, je le veux. Et j'estimerai cela la meilleure récompense ou la meilleure punition que tu puisses me donner pour le bien ou le mal que je t'ai fait. Eh bien, Fanchon Fadet, puisque tu parles si raisonnablement, et que pour la première fois de ta vie, je te vois douce et traitable, je vais te dire pourquoi on ne te respecte pas comme une fille de 16 ans devrait pouvoir l'exiger. C'est que tu n'as rien d'une fille et tout d'un garçon, dans ton air et dans tes manières. C'est que tu ne prends pas soin de ta personne. Les enfants t'appellent le malot. Eh bien, crois-tu que ce soit à propos à 16 ans de ne point ressembler encore à une fille? C'est bon d'être fort et leste, mais pour une femme, trop et trop. C'est encore bon d'avoir plus d'esprit que les autres, mais à force de le montrer, on se fait des ennemis. Enfin, que tu sois sorcière ou non, je veux croire que tu as des connaissances, mais j'espère que tu ne t'es pas donné au mauvais esprit. Voilà tous tes torts, Fanchon Fadet, et c'est à cause de ces torts-là que les gens en ont avec toi.